Comme le restaurant de Madrid n'était pas loin, Arnaud proposa de s'y rendre pour boire un verre de bière. On pourrait même déjeuner, dit Rochambard. Mais, du Sardier, n'en ayant pas le loisir, ils se bornèrent à un rafraîchissement dans le jardin. Tous éprouvaient cette béatitude qui suit les dénouements heureux. Le citoyen, cependant, était fâché qu'on eût interrompu le duel au bon moment. Arnaud en avait eu connaissance par un certain Compain, ami de Rochambard. Et, dans un élan de cœur, il était accouru pour l'empêcher, croyant du reste en aide de la cause. Il pria Frédéric de lui fournir là-dessus quelques détails. Frédéric, ému par l'épreuve de sa tendresse, se fit scrupule d'augmenter son illusion. De grâce, n'en parlons plus. Arnoux trouva cette réserve fort délicate. Puis, avec sa légèreté ordinaire, passant à une autre idée. Quoi de neuf, citoyen? Ils se mirent à causer. Traite, échéance. Afin d'être plus commodément, ils allaient même chuchoter à l'écart sur une autre table. Frédéric distingua ces mots. Vous allez me souscrire? Oui, mais vous, bien entendu. Je l'ai négocié enfin pour 300. Jolie commission, ma foi. Bref, il était clair qu'Arnoux tripotait avec le citoyen beaucoup de choses. Frédéric songea à lui rappeler ses 15 000 francs. Mais sa démarche récente interdisait les reproches. Même les plus doux. D'ailleurs, il se sentait fatigué. L'endroit n'était pas convenable. Il remit cela à un autre jour. Arnoux, assis à l'ombre d'un troène, fumait d'un air hilar. Il leva les yeux vers les portes des cabinets donnant toutes sur le jardin et dit qu'il était venu là, autrefois, bien souvent. Pas seul, sans doute, répliqua le citoyen. Parbleu. Quel polisson vous faites, un homme marié. Eh bien, et vous donc? Reprit Arnoux. Et, avec un sourire indulgent, je suis même sûr que ce gredin-là possède quelque part une chambre où il reçoit des petites filles. Le citoyen confessa que c'était vrai par un simple haussement de sourcil. Alors, ces deux messieurs exposèrent leurs goûts. Arnoux préférait maintenant la jeunesse, les ouvrières. Rochambard détestait, entre guillemets, les mijaurées et tenait avant tout au positif. La conclusion, fourni par le marchand de faïence, fut qu'on ne devait pas traiter les femmes sérieusement. Cependant, il aime la sienne, songeait Frédéric, en s'en retournant. Et il le trouvait un malhonnête homme. Il lui en voulait de ce duel, comme si c'était pour lui qu'il avait, tout à l'heure, risqué sa vie.